Le brigand de Cornouailles, deuxième partie. Écrit par Louis Moreau, lu par Armen pour audiocité.net. Chapitre 1er. Le manoir de Mézarnoux. Un mois après ces événements, la Fontenelle était de retour de son voyage de Nantes, où il était allé visiter le duc de Mercœur. Ce prince, qui voyait chaque jour la Ligue s'éteindre en Bretagne, n'avait pu faire autrement que de recevoir avec une grande distinction le chef le plus puissant qui restât encore au parti catholique. Il s'empressa donc de faire un magnifique accueil à la Fontenelle. Celui-ci se rendit à Nantes sur une petite flotte parfaitement bien équipée. Il y fit son entrée avec beaucoup de pompe et s'y montra revêtu de ses plus riches habits. En cette occasion, il osa couvrir ses épaules d'un superbe manteau fourré d'hermine et garni de pierreries, comme s'il eût été roi de France ou prince du sang. À peine revenu à l'île Tristan, Guy Hédère, l'homme le plus pillard et le plus aventureux qui fût au monde, s'ennuya de l'inaction dans laquelle il vivait. Et sur le champ, il songea à effectuer un autre voyage. Il avait projeté d'aller rendre visite à l'un de ses parents, le sieur de Parcevaux, seigneur de Mézarnoux, qui habitait un des plus beaux manoirs de l'évêché de Léon. Voyant donc le pays tranquille et bien certain que personne n'oserait de longtemps venir l'assiéger, il remit le commandement de son île à De Romard, puis, à la pointe du jour, par une belle matinée de décembre, il s'éloigna des plages de Douarnenez avec une escorte de 60 de ses plus déterminés soudards. Après s'être arrêté une nuit au Fou, il arriva le lendemain à Plounay-Vinterre, petit village situé à 2 grandes lieues de Landerneau. Craignant d'effrayer son parent par sa suite nombreuse, il ne prit avec lui que 6 hommes et se dirigea vers Mézarnoux. Il était près de midi quand il se trouva devant ce manoir, éloigné seulement de quelques portées de mousquets de Plounay-Vinterre. Ce n'était pas la première fois que la Fontenelle venait en ce lieu. Quelques années auparavant, à l'époque où il surprit de nuit et pilla Landerneau, il avait rendu visite au sieur de Mézarnoux, qui était l'un de ses cousins. Ce gentilhomme n'avait guère été charmé de l'arrivée du capitaine Ligueur, mais craignant pour sa grande fortune et pour sa famille, il l'avait alors parfaitement accueilli et l'avait engagé à venir le visiter quand il repasserait dans ses environs. Guy Hédère, en se retirant, lui avait promis de ne pas oublier son invitation et de revenir prochainement passer quelques jours à Mézarnoux. Mais depuis ces événements, logé dans son fort et occupé à piller la Cornouaille, il n'avait pas eu le loisir de songer à cette promesse. Comme on le pense bien, ce n'était pas dans l'intention de rendre une visite de bonne amitié qu'il allait chez Monsieur de Parcevaux. En s'y rendant, il n'avait qu'un but criminel et purement intéressé. Il se rappelait l'opulence qui régnait à Mézarnoux et la grande richesse de son propriétaire. Il avait donc conçu le dessein de le dépouiller en s'appropriant tout ce qu'il trouverait de précieux sans écouter aucune considération de famille. C'était une des plus belles habitations non fortifiées du pays de Léon que le manoir de Mézarnoux. La Fontenelle et ses soldats, après avoir traversé la grande avenue qui conduisait à la principale porte du parc, mirent pied à terre. En ce moment, le temps était beau et le soleil brillait sur la campagne. Seulement, l'air était froid et le vent soufflant avec force faisait tourbillonner les feuilles mortes et jaunies dont le sol était jonché. Quelques feuilles rares se remarquaient encore sur les rameaux des hêtres et des vieux chênes dont était plantée la venue du manoir. L'entrée de Mézarnoux était alors défendue par 2 petits pavillons où logeaient les gardes du château. Mézarnoux existe encore aujourd'hui. Ce manoir très bien conservé ressemble à la plupart des maisons nobles bâties dans le XIVe et le XVe siècle. Les murs du parc, dont on voit les ruines, cernaient une étendue d'environ 25 hectares. À peine la fontenelle eut-il fait connaître à ceux-ci son nom que quelques minutes après la porte lui était ouverte. Le capitaine traversa rapidement le parc, qui était superbe et parfaitement bien entretenu, et se trouva bientôt dans la cour du manoir, où monsieur de Mézarnoux vint le recevoir avec beaucoup d'empressement. Au centre de cette cour, qui était petite et murée, on remarquait un jet d'eau surgissant d'un grand bassin de pierre fait d'une seule pièce. Devant s'élevait la maison principale, qui se composait d'un vaste corps de logis divisé en deux par une tourelle. L'ornementation de sa porte d'entrée, de ses fenêtres irrégulières en accolade et de sa façade était à peu près la même que celle de presque toutes les gentilhommières construites à cette époque. Le sieur de Mézarnoux, après avoir fait entrer la fontenelle dans la grande salle d'honneur située au rez-de-chaussée, fit conduire les gens de sa suite dans les cuisines et donna ordre de leur servir des rafraîchissements. La pièce où venait de pénétrer Guy Hébert était éclairée par de grandes croisées de pierre, garnies extérieurement de forts barreaux de fer entrecroisés comme les grilles d'une prison. Le feu pétillait dans l'immense cheminée de la salle du manoir. Une longue table de chêne qui, suivant l'usage du temps, occupait le milieu de l'appartement, était déjà recouverte d'une nappe de toile d'une grande finesse, sur laquelle resplendissaient de superbes pièces d'argenterie et une riche vaisselle attestant la grande fortune des propriétaires du lieu. La salle était splendidement décorée. Enfin, rien ne manquait à l'ameublement, un des plus beaux qu'on pût trouver aux environs. Monsieur de Mézarnoux, qui, comme nous l'avons dit, se nommait Vincent de Parcevaux, pouvait avoir une cinquantaine d'années. C'était un homme à la figure franche et ouverte, aux manières polies et engageantes. Il était fort doux de caractère, mais brave et résolu à l'occasion. Doué d'un grand sang-froid dans le danger, il devenait énergique lorsqu'il le fallait. En un mot, il était incapable de céder devant aucune espèce d'intimidation. Il portait une robe de maison de couleur sombre, sorte de houppelande alors de mode chez les gentilshommes campagnards. Depuis peu d'années, il avait épousé Madame Renée de Coitelogon, veuve du sieur Pierre le Chevoir, natif de la commune de Pratte. La famille Le Chevoir n'a jamais été originaire de Champagne, comme l'ont dit quelques auteurs. Elle habitait la paroisse de Pratte au XVe et XVIe siècle, ainsi que le constatent les réformations de la noblesse. Pratte n'est qu'à quelques lieues de Lannion et de Tréguier. Cette dame, qui, pour le moment, était absente de chez elle, avait eu de son premier mariage une charmante petite fille, la plus jolie enfant qui exista peut-être au monde. On l'appelait l'héritière parce qu'elle était un des plus riches partis de la noblesse bretonne. Partout, on ne parlait que de la gentille Marie qui, par sa douceur et sa bonté, s'était fait chérir de tous ceux qui avaient eu occasion de la voir. Si cet enfant était ainsi aimé, c'est qu'elle se montrait aussi polie et aussi affable avec les pauvres et les malheureux qu'avec les nobles qui journellement venaient au manoir.